Je me suis fait encore jeter au téléphone. Je me suis fait encore jeter, elle a raccroché. Je me suis fait encore jeter, pourtant je bétonne. Argument et conviction, elle veut rien acheter. Je me suis fait encore jeter, mon boss va encore m'engueuler. Pour manque de rentabilité, il va finir par me virer. Je bosse dans un centre d'appel, faut que je bosse. Je bosse dans un call center pour nourrir mes gosses. Je vous appelle souvent vers 20h, oui j'appelle. Je vous vends du superflu, pour moi c'est essentiel. De l'électricité verte, pomme des sonneries pour votre mobile. Appareil photo intégré et plein d'autres cadeaux futiles. Allô ? Allô ? Mon job est délocalisé au Maroc. Allô ? Allô ? Mon job est délocalisé. Tout le monde s'en moque. Mon job est délocalisé, mais j'ai le choix. Démissionner, partir à Casablanca. Je peux pas déménager, ma femme bosse à Paris. Et puis, par manque de rentabilité, j'ai dû me faire... Harakiri. C'est Raleigh qui m'a remplacé à Casa. Quand il est au téléphone, il se nomme François. Diplômé, mais il touche trois fois moins que moi. Il paraît que là-bas on vit bien avec ça. C'est plus de 50 heures par semaine, les pots sont chronométrés. Pas de congé pour le ramadan, pour l'accent faut pas se vautrer. Un jour à l'aide aussi devint trop cher. L'actionnaire venait de trouver un plan super. Raleigh était délocalisé, mais t'as le choix. Démissionner ou bien partir à Calcutta. Ton déménagement à ta charge, tu gagneras 60 euros. Pour une bonne rentabilité, tu dormiras dans le bureau. N'oublie pas ton oreiller et ton duvet, hein. Center, j'appelle Pôle emploi. C'est Shiva de Calcutta qui me dit t'as le choix. Coupure des allocations ou prendre cet emploi. Port du casque toute la journée, il me semble que tu connais ça. Tu seras coursier motorisé, tu iras livrer des pizzas. T'as le choix, oui t'as le choix mon gars. Le choix. Merci.